Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Regardez dans quel état est l'âme humaine maintenant et dites-moi si c'est consolant de savoir que, malgré tout, elle est encore vivante, qu'elle ne mourra jamais, malgré toutes ses plaies. On n'a jamais essayé de la laver complètement avec tout ce luxe de lait, de savon, de ponces et de brosses. On n'a jamais essayé de la purifier de son mal. À l'époque de la création des lois spirituelles, ils étaient tous là avec leurs mitres, leurs chasubles de dentelle, leurs crosses et leurs ornements. Tout ça verdissant dans l'odeur de la saleté, avec des ors que le simple reflet de l'âme lépreuse semblait décharner au fond même de l'imputrescible métal. Ils n'étaient pas médecins, ils étaient orfèvres. Ils n'ont pas essayé de guérir, ils se sont servis des plaies avec une intelligence et un métier magnifique. Ils nous ont orné toutes ces flaques de pus avec des perles, des diamants, des cabochons. Ils ont entouré les purulences de beaux petits diamants théologiques et philosophiques. D'un peu loin, on ne pouvait plus distinguer le bubon du cabochon d'améthyste. Ils ont enfermé ce ventre carié dans des cuirasses d'acier. Alors, après, ils ont mis tout ça debout comme un roi mort, un roi ruisselant de mort verte, et en avant, le long des siècles, c'est ça qui a fait le social, c'est cette âme humaine. C'est elle qui compose le social moderne, les États et les régimes politiques modernes, ce monde de puanteur où nous étouffons. Toutes nos espérances ont été tuées. Nous avons regardé de tous les côtés, de droite et de gauche. Nous sommes allés le plus loin possible dans toutes les directions, les uns et les autres, de bonne foi. Partout ces cuirasses cadavériques, partout ces chancres ornés, partout ces rois verts, partout ces orgasmes ruisselants de sani. Des âmes sans voix, sans force, debout dans les blés, à travers le grillage des forêts, sur les rives des fleuves, dans les ports, remplissant les plaines, alignées dans chaque labour, sans yeux, sans bouche, sans oreilles, des mains mortes, des ventres d'où le sexe est tombé, ayant des gouffres noirs à la place des sens, immobiles, avec l'horrible séduction de leur puanteur. Les âmes les plus sales dégagent une odeur enivrante. La caractéristique des temps modernes est l'obligatoire puanteur du chef. Il n'a pas besoin de parler, j'entends pour dire quelque chose. Il ne pourrait pas d'ailleurs. S'il essayait d'ouvrir la bouche, ses lèvres pourries se déchireraient en le déshabillant de chair jusqu'à ses pieds. On ne lui demande que de sentir mauvais, mais on le lui crie, on le lui hurle, mais on tend les mains vers lui pour le supplier de pourrir un peu plus, de bien faire fumer ses lèpres, de bien balancer ses goitres, de répandre le plus loin possible son choléra, de transmettre parfaitement son infection, que nous puissions enfin jouir d'une saleté nouvelle. On n'a pas besoin de tant le prier d'ailleurs. Il est le chef moderne, soyez sans crainte. Il connaît son métier, il y a été préparé par des siècles de crasse. Il a la connaissance physique, philosophique et industrielle de la pourriture. Alors commence tout doucement la danse des âmes, la vie sociale. Les arbres plient leurs feuilles, serrent leurs branches contre eux, s'enroulent comme des fuseaux dans les bandelettes de leurs branches et de leurs feuilles, se cachent tout debout en se serrant, se sèchent dans cette splendeur secrète des pauvres petits pharaons morts. Les herbes se couchent, rampent comme des serpents jusque dans l'intérieur des rochers. Les champs de blé mûrissent farouchement comme les larges flammes d'un incendie de la terre. Ils crépitent de toute la menaçante lourdeur de leurs épis. Ils s'éteignent, se rallument, flambent, font craquer de hautes flammes d'épis, s'éteignent, rampent, s'allument avec la vie déchaînée et rouge d'un cancer. Les montagnes retirent leur neige propre jusqu'aux sommets inaccessibles. Les fleuves se cachent dans la boue des usines. Les estuaires salissent la mer. Les mouettes lourdes d'eau grasse viennent écraser contre les falaises leurs têtes aveugles, noires comme du goudron. La danse de l'âme humaine commence. La danse de l'âme moderne. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.